Et les savants ont mentionné trois avis concernant le délaissement de la basmala au début de sourate at-Tawba. Le premier avis est que sourate le butin, qui est la sourate avant at-Tawba, donc le repentir, et sourate at-Tawba elle-même ne font qu'une seule sourate. Donc ceci est le premier avis que les savants ont mentionné. Le deuxième avis est que la basmala, donc le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim, est une miséricorde. Et il ne convient pas de mentionner le désaveu après la miséricorde. Car sourate at-Tawba commence par le désaveu d'Allah, Azzawajal, et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le premier verset, Bara'atum min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction, désaveu d'Allah et de son messager adressé aux polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte. Et donc, selon certains savants, la basmala n'a pas été mentionnée au début de sourate at-Tawba, car le désaveu, il ne convient pas de mentionner le désaveu après la miséricorde. Et c'est donc pour cela que la basmala n'a pas été mentionnée. Mais malgré que cet avis est certes intéressant, il est faible. Car dans le Coran, nous avons certaines sourates qui commencent par des choses similaires au désaveu. Par exemple, sourate al-Humaza et sourate al-Mutaffifin commencent par une menace. Malgré cela, ces deux sourates commencent par la basmala. Donc c'est pour cela que beaucoup de savants sont d'avis que le deuxième avis est certes faible. Et le troisième avis que les savants ont mentionné est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a écrit la basmala lors du pacte de Al-Hudaybiyah, les kuffars ne l'ont pas accepté. Et donc, elle n'a pas été mentionnée au début de Sourate At-Tawbah, car Sourate At-Tawbah parle d'eux. Mais l'avis qui est le plus mentionné, qui est le plus mentionné dans les livres des gens de science, c'est le premier avis qui nous dit que Sourate Al-Anfal, donc le butin, et Sourate At-Tawbah ne font qu'une sourate. Et donc, comme la basmala fut mentionnée au début de Sourate Al-Anfal, elle ne fut pas mentionnée au début de Sourate At-Tawbah, et beaucoup de savants de la Sunna sont de cet avis, et c'est l'avis le plus juste, Insha'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc la deuxième cause pour laquelle l'auteur a commencé son épître par la basmala, c'est pour prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par la basmala lors de ses allocutions et lorsqu'il écrivait des lettres. La troisième cause est pour demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la quatrième, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la bénédiction dans son livre. Et donc, après avoir mentionné les raisons pour lesquelles l'auteur a commencé son épître par la basmala, nous allons répondre à une question. Et cette question est-ce que la basmala est un verset faisant partie de chaque sourate? Ou bien a-t-elle été révélée pour faire la différence entre les sourates? Donc si nous disons, Ikhwani fillah, que la basmala est un verset faisant partie de chaque sourate, cela voudrait dire que sourate al-Fatiha fait 7 versets. Par contre, si nous disons qu'elle a été révélée pour faire la différence entre les sourates et qu'elle ne fait pas partie de chaque sourate, cela voudrait dire que sourate al-Fatiha ne ferait que 6 versets. Et donc la réponse à cette question est que la basmala est un verset du Coran. Et ceci à l'unanimité des savants. Mais par contre, elle ne fait pas partie de chaque sourate. Elle a plutôt été révélée pour séparer les sourates et pour qu'on puisse différencier les sourates. Et cet avis est celui de la majorité des savants. Et c'est certes l'avis qui regroupe les preuves. Car nous avons des preuves indiquant que la basmala fait partie de la sourate, et d'autres montrant le contraire. Par exemple, nous avons le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. D'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il dit: un jour, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était parmi nous, quand il s'assoupit. Puis il releva la tête en souriant. Nous demandâmes: qu'est-ce qui te fait rire, ô messager d'Allah? Il répondit: une sourate vient de m'être révélée. Il récita alors la basmala, puis sourate al-Kawthar, donc sourate l'abondance. Et donc dans ce hadith nous indique que la basmala fait partie de la sourate. Et nous avons des autres hadiths qui nous indiquent le contraire, tels que les hadiths qui parlent du début de la révélation. Lorsqu'il fut révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premiers versets de sourate al-Alaq, de sourate l'adhérence, la basmala ne fut pas mentionnée. Et donc, au vu de ces preuves, les savants ont tiré que les preuves où l'on trouve que la basmala est mentionnée au début de la sourate, ces preuves-là montrent que c'est un verset du Coran, tandis que les preuves où la basmala ne fut pas mentionnée montrent qu'elle ne fait pas partie de la sourate. Donc parmi les savants qui sont de cet avis, nous avons Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Par contre, il est bon de mentionner que la basmala est un verset faisant partie de sourate les fourmis, sourate An-Naml, car elle est mentionnée dans la sourate Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc après avoir mentionné la basmala, le cheikh il dit: je demande à Allah, le très généreux, seigneur du trône immense, de te prendre pour allié, ici-bas et dans l'au-delà, de te bénir où que tu sois, et qu'il te place parmi ceux qui remercient lorsqu'on leur donne, patiente lorsqu'ils sont éprouvés, et implore le pardon d'Allah lorsqu'ils commettent un péché. Donc le cheikh ici, rahimahullah, Cheikhoul Islam Mohammed Ibn Abdel Wahhab, il a suivi l'exemple des imams de ce prêche salafi. Cheikh Al-Islam Mohammed Ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il a suivi l'exemple des imams de ce prêche salafi, car ils ont comme habitude de commencer leur livre par une invocation en faveur de celui qui lit le livre. Et ce procédé, Ikhwani fillah, nous montre un point très très important qu'il convient de méditer. Ce point est que la science et le prêche sont basés sur la miséricorde. La science et le prêche sont basés sur la miséricorde. C'est-à-dire la miséricorde entre l'enseignant et l'étudiant. La miséricorde entre le prêcheur et la personne à qui on prêche. Il convient donc au prêcheur et à l'enseignant, à celui aussi qui ordonne le bien et interdit le blâmable, d'être miséricordieux, d'être miséricordieux. Et c'est comme cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans le verset de Surat al-Tawbah, lorsqu'il dit « Bil mu'minin ra'oufun rahim » prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était miséricordieux envers les croyants. Et lorsque l'auteur il dit « Je demande à Allah, le très généreux, seigneur du trône immense. » Ici l'auteur, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms. Et ceci est ce qu'on appelle le tawassul légiféré. Et ceci est ce qu'on appelle le tawassul légiféré. Et le tawassul légiféré est de trois catégories. La première catégorie consiste à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs. Par exemple, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Ô le pardonneur, pardonne-moi » ou bien par exemple « Ô le fort, venge-moi » Et concernant cette catégorie, ikhwanifillah, les savants nous mentionnent un comportement à respecter. Et ce comportement est de choisir un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en lien avec sa demande. En lien avec sa demande. Si tu demandes le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois mentionner l'un de ses noms qui est en lien avec le pardon. Tel que par exemple Al-Rafour ou bien Al-Raffar. D'accord ? Par exemple, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le grand pardonneur. Pareil, si tu veux la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu demandes la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu vas choisir un nom qui est en lien avec la miséricorde, tel que Ar-Rahman, ou bien par exemple Ar-Rahim. Tu choisis un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en lien avec la miséricorde. Et quand tu as mentionné un nom qui est au contraire de sa demande, ceci n'est pas un bon comportement. Ceci, comme l'a mentionné les savants, n'est pas un bon comportement. Et la preuve de cette catégorie réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 180 de Sourate Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit « À Allah appartient les plus beaux noms. Invoquez-le par ses noms. » Donc ça, c'est concernant la première catégorie de tawassul légiféré. La deuxième catégorie consiste à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant l'une de ses bonnes actions. En mentionnant l'une de nos bonnes actions. Par exemple, tu dis « Oh Allah, j'ai donné de l'argent en aumône. Oh Allah, si j'ai fait cela pour toi, alors guéris-moi. » Alors guéris-moi. Donc ici, la personne a mentionné une de ses bonnes actions. Et la preuve de cette catégorie, ikhwanifillah, se trouve dans l'histoire des gens de la caverne. Donc un groupe de personnes qui vivaient à l'époque d'un peuple qui nous a précédés, ils furent bloqués dans une grotte. Et chacun d'entre eux invoquèrent Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant l'une de leurs bonnes actions. Après chacune de leurs invocations, La porte de la grotte s'ouvrait un peu, jusqu'à ce que le dernier invoque Allah subhanahu wa ta'ala, et la porte s'ouvrit totalement. Donc ceci est la deuxième catégorie de tawassul légiféré. La troisième catégorie de tawassul légiféré consiste à demander à une personne pieuse, qui est vivante, présente et capable, de lui demander d'invoquer en notre faveur. La personne, par exemple, Zayd, il va voir Mohammed. Mohammed, c'est une personne pieuse. Et Zayd, il lui dit, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour moi. Donc ici, il est vivant, présent et capable. Donc ceci aussi rentre dans le tawassul qui est légiféré. Donc en résumé, le tawassul légiféré est de trois catégories. La première, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et attributs. Le deuxième, donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant l'une de nos bonnes actions. Et la troisième catégorie, demander à une personne pieuse qui est vivante, présente et capable, d'accord, d'invoquer en notre faveur. Naam. Donc l'auteur, il dit, je demande à Allah, le très généreux, Seigneur du trône immense, de te prendre pour allié ici-bas et dans l'au-delà, de te bénir où que tu sois, et qu'il te place parmi ceux qui remercient lorsqu'on leur donne. Lorsque l'auteur, il dit, et qu'il te place parmi ceux qui remercient lorsqu'on leur donne, ceci car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime les reconnaissants parmi ses serviteurs. Et le remerciement se fait avec le cœur, la langue et le corps. Donc le serviteur, il doit reconnaître que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a octroyé ce bienfait. Car tous les bienfaits proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate An-Nahl, وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tout bienfait dont vous jouissez provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur doit aussi remercier Allah subhanahu wa ta'ala avec sa langue. C'est-à-dire, il doit faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait, tout comme il doit le remercier avec son corps, en utilisant ses bienfaits dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes comblé les partisans du tawhid du plus grand bienfait. Il les a comblés du plus grand bienfait. Et ce bienfait-là, c'est le tawhid. Ce bienfait, c'est le tawhid. Et il n'y a pas de doute que le tawhid, l'unicité, c'est le meilleur et le plus grand des bienfaits. C'est pour cela que dans sourate An-Nahl, sourate les abeilles, qui est aussi appelée la sourate des bienfaits, elle a été appelée la sourate des bienfaits, car Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné de nombreux bienfaits dans cette sourate. Mais le premier de ces bienfaits qu'il a mentionné, c'est quoi? C'est le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 2 de sourate An-Nahl, يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, par son ordre, il fait descendre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin d'avertir les hommes en leur disant, il n'y a de divinité digne d'adoration que moi, craignez-moi donc, craignez-moi donc. Naam. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire mourir sur l'unicité. Ensuite, l'auteur, il dit par la suite, Donc, et qu'il te place parmi ceux qui remercient lorsqu'on leur donne. Ensuite, il dit patiente lorsqu'ils sont éprouvés. Donc, l'auteur, il dit patiente lorsqu'ils sont éprouvés. Ceci car les partisans du tawhid seront forcément éprouvés. Et donc, l'auteur demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, que tu sois parmi ceux qui patientent lors de l'épreuve. Et l'épreuve peut être en termes de paroles qui vont être adressées. C'est-à-dire qu'on va parler sur toi. On va peut-être te dénigrer. Ou bien elle sera d'un point de vue physique, ou même financier, ou autre. Mais dans tous les cas, tu te dois de patienter. Surtout que la patience est la cause de beaucoup de bien. Et c'est par la patience que le serviteur atteint un haut rang et un haut degré. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate As-Sajda, verset 24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction rapprochée, nous avons suscité parmi eux des guides qui dirigeaient suivant notre ordre pour leur patience. C'est-à-dire qu'ils ont atteint ce degré de guide et l'une des causes qu'ils ont atteint ce degré, c'est leur patience. Et Cheikh Abdelrahman Ibn Si'adi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans le tafsir de ce verset, je cite, le rang de guide est le plus élevé après celui de prophète. Ils y sont arrivés grâce à la patience dans l'apprentissage et l'enseignement, mais aussi grâce à la patience face au tort subi sur cette voie, face au péché et au désir. Allahu Akbar. Ensuite, il dit, un peu plus loin, c'est par la patience et la certitude que l'on parvient au rang de guide dans la religion. Fin de citation. Et les savants ont mentionné certains comportements à avoir lors de l'épreuve. Et je ne vois aucun mal, inshallah, de mentionner certains de ces comportements ici. Parmi ces comportements, le fait que la patience face à l'épreuve doit être lors du premier instant, c'est-à-dire au tout début de l'épreuve, comme cela est venu dans le hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la patience, c'est dès le premier choc. La patience, c'est dès le premier choc, c'est-à-dire au tout début de l'épreuve. Et l'éminent savant, Cheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit en commentaire de ce hadith, je cite, la patience louable est celle qui est dès le premier choc de l'épreuve, c'est-à-dire dès le début. Quant à la patience qui vient après réflexion, elle n'est pas profitable. Fin de citation. Parmi les comportements lors de l'épreuve que les savants ont mentionnés, il convient que le musulman, lorsqu'il est éprouvé, il dit, c'est à Allah que nous appartenons et vers lui qu'est notre retour. Ô Allah, accorde-moi une récompense dans mon affliction et remplace le moi par meilleur. Comme cela est venu dans le hadith de Ummu Salama, radiallahu anha, qui est rapporté par l'imam Muslim. Et rentre dans la bonne patience le fait de ne pas faire apparaître les signes de l'épreuve, comme l'a fait Ummu Sulaym, radiallahu anha, la femme de Abu Talha, lorsque son fils décéda. Donc ceci sont quelques comportements à avoir lors de l'épreuve. Ensuite, l'auteur, il dit et qu'il te place parmi ceux qui remercient lorsqu'on leur donne, patiente, patiente lorsqu'ils sont éprouvés, et implore le pardon d'Allah lorsqu'ils commettent un péché. Lorsqu'il dit implore le pardon d'Allah lorsqu'ils commettent un péché, ceci car le mouahid, c'est-à-dire le partisan du tawhid, il va forcément faire preuve d'insouciance et il va forcément tomber dans le péché, que ça soit des grands péchés ou que ça soit des petits péchés. Et parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on trouve El-Ghafour, le pardonneur. Et forcément, l'impact de ce nom, il doit y avoir un impact de ce nom sur ses créatures. C'est pour cela que les créatures font des péchés et ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne. Et donc, le partisan du tawhid, lorsqu'il tombe dans le péché, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne persiste pas dans ce péché. Il ne persiste pas dans ce péché. La personne, le musulman, elle va tomber dans le péché. Et qu'est-ce qu'il se doit de faire? Il doit demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas persister dans ce péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Ali Imran: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 135 de sourate Ali Imran: ceux qui, après avoir commis une turpitude et s'est fait tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah, demandent pardon de leurs péchés, et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah, et ne persistent pas sur ce qu'ils ont commis alors qu'ils savent. Donc le musulman, le partisan du tawhid, il va forcément faire des péchés, mais il demande pardon à Allah et il ne persiste pas sur ce péché. Et donc ici l'auteur, il nous a mentionné trois situations. L'auteur, il a mentionné dans son invocation trois situations. Il nous dit, et qu'il te place parmi ceux qui remercient lorsqu'on leur donne, patiente lorsqu'ils sont éprouvés et implore le pardon d'Allah lorsqu'ils commettent un péché. Et donc, le partisan du tawhid doit toujours faire ces trois choses lorsqu'il se trouve dans ces situations. Lorsqu'on lui donne, il remercie. Lorsqu'il est éprouvé, il patiente. Et qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il commet un péché? Il implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus la personne va connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et plus ces trois choses vont s'immensifier dans son cœur, et plus il va faire ces choses. C'est-à-dire que plus il va connaître Allah subhanahu wa ta'ala, plus il va le remercier, plus il va patienter, et plus il va implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus il va apprendre le tawhid, et plus il va immensifier le tawhid, et plus il va remercier Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on lui donne, patienter lors de l'épreuve, et demander pardon à Allah lorsqu'il aura commis un péché. Ensuite, l'auteur, il dit, ces trois choses sont certes les clés du bonheur. C'est-à-dire que celui qui remercie lorsqu'on lui donne, patiente lorsqu'il est éprouvé, et implore le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il commet un péché, Bi-ibnillah subhanahu wa ta'ala, ces trois choses sont les clés du bonheur, comme l'auteur, rahimahullah, l'a mentionné. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.